Toujours en Corée du Sud, l'Action nationale extraordinaire pour le départ du pouvoir de Park Geun-hye a tenu le 14 une conférence de presse devant le siège du parquet général de Séoul pour réclamer au parquet l'assignation et l'enquête immédiate sur Park Geun-hye, condamné à la destitution et la perquisition à la Maison Bleue, selon Newsis sud-coréen.